Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben hier, l'Avalanche du Colorado l'a emporté 4 à 2 sur les Jets de Winnipeg. Samuel Girard de Roberval a été utilisé pendant 19 minutes 13 secondes et a terminé le match avec plus 1. Hier, dans la section entrevue de danadosport.com, on a parlé avec Marc Denis. On sait que Marc Denis s'est intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior du Québec. Et en entrevue sur les ondes de danadosport.com, Marc Denis ne s'en attendait pas vraiment d'être choisi comme membre du temple de la renommée. J'ai eu la chance d'être considéré pour le temple de la renommée, puis de voir mon nom prononcé dans la même phrase que des gars comme Vincent Lecavalier et Stéphane Quintal, deux gars que je connais bien, Danny Groux qui a connu une carrière absolument incroyable au hockey junior aussi. C'était honnêtement, c'est tout un honneur. Et c'est un honneur, Danny, qu'il faut que je m'empresse de dire que je partage avec des coéquipiers, des coachs, des dirigeants, mais une région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au grand complet. Dans un deuxième temps, Marc Denis est quand même satisfait du rendement des Saguenayens de Chicoutimi. Je vous dirais pas que les résultats sont ce qui est le plus satisfaisant, mais c'est vraiment la progression de l'équipe. Les résultats sont en bas des attentes, ça on s'en cache pas. On pensait vraiment être capable de profiter du début de la saison pour aller chercher des points alors que les autres équipes allaient peut-être s'ennuyer de certains éléments importants. Ça s'est pas avéré vrai. Rubtsov était mieux sous d'autres cieux et les Saguenayens, nous, on s'en porte mieux qu'ils soient ailleurs. On a obtenu le gros prix. Il est parti plus tôt qu'on pensait. On a eu des blessures à des joueurs très importants qui sont dans des années charnières en Samuel Hood et Mathieu Desgagnés qui ont raté de bonnes parties. Et je cherche pas des excuses, Danny. Moi, j'explique les mauvais résultats. Mais la façon dont ce groupe-là se comporte cependant, surtout depuis un mois, nonobstant des résultats, parce qu'on vient de terminer hier à Bécomo une séquence de 7 matchs en 12 soirs, ce qui est important de noter, c'est la façon dont cette équipe-là se comporte. Et moi, ce que j'entends des gens qui viennent au match des Saguenayens au Centre-Georges, au début de la saison, c'était difficile les matchs à domicile, et ils voient une équipe transformée. Transformée parce qu'ils travaillent à tous les soirs. Ouais. Puis moi, c'est de la façon dont je perçois la région aussi. Les gens ont aimé le parcours en série, un peu inattendu de l'année passée, où on a failli causer une très grande surprise, on est passé proche. Mais cette année... Et dans un dernier temps, Marc Denis mentionne évidemment qu'il est content de l'équipe de marketing parce qu'il y a 10% d'augmentation au guichet pour les Saguenayens de Chicoutimi cette année. Ben, un, t'as raison. Ouais. Puis deux, là, faut que je salue le travail de l'équipe marketing parce que j'ai vraiment le feeling qu'on se rapproche de la population. Ouais. C'est une opinion qui est peut-être bien personnelle, mais je pense que les faits sont là. On sort dans la population. Le sentiment de fierté, c'est pas juste d'un côté. On veut pas juste que les joueurs qui arrivent d'un peu partout au Québec, puis certains de l'Ontario, des Maritimes, qui arrivent et qui disent qu'on est fiers de jouer au Saguenay. On veut que les gens du Saguenay s'approprient leur équipe. Alors, c'est donnant-donnant. Puis, on s'attend pas à rien qui nous soit donné. On tient rien pour acquis. On veut aller au-devant des gens. Puis, on a l'impression que l'équipe marketing fait un bon travail puis qu'on récolte les fruits de ces efforts-là. Pas des sacrifices, des efforts qu'on... Ligue d'hockey Saint-Paulette, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans différentes catégories. La catégorie Novice A, gain sur Winnipeg 10 à 2 sur les Bulldogs Saint-Félicien. En Novice B, gain des Castors de Dolbeau 3 à 2 sur les Éperviers de Normandin. Et les Éperviers de Normandin ont gagné 7 à 2 sur les Loups de Dolbeau. Mistassini, je vous invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec Marc Fortier. On fait le bilan de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Et je me suis également entretenu aussi avec Marc Denis pour son intronisation au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.